Starrep, à ma souche la Pérouse, au fond du Larzac. Je crache, je recrache et je rabâche. Ça fait comme une grosse tache, une affaire cahuzac. Tac, tac, dans les tics et tac, je mets sec, je mets la tête dans le sac. Ce moment magique peut finir à quatre pattes. Hop hop hop, tranquille bonhomme. Faut te poser, prends donc un petit chewing-gum. Tends le bout de tes petits doigts, repose-toi ça comme. Allez viens mon petit chat, on va faire un petit somme. C'est un truc rouge qui touche et qui fade, comme une mouche crache qui tombe dans le potage. Oh, faut que je bouge, que je me mouche, faut que je m'arrache à la douche de la Pérouse ou au fond du Larzac. Je recrache et je rabâche. Ça fait comme une grosse tache, une affaire cahuzac. Tac tac, la litique et tac. Je mets un sec, je mets la tête dans le sac. Ça fait clac clac, ça fait clic clic dans le clac. Ce moment magique, faut le finir à quatre pattes. Comme un flic,